voir les passantes se promener dans la rue et croire que les gens sont bien souvent ingénus, tout comme le vent dans la chaleur des corsages qui vient brusquement nous annoncer un orage. Baignant dans le ciel de beaux reflets argentés qui donnent autant une apparence enchantée, les nus nous transportent par la beauté de leur charme. Les dieux sont venus nous déverser de leurs larmes. Des perles de pluie passent à travers les habits. Fille étourdie n'a pas pris son parapluie. Alors, par panique ou conjurée de son sort, je prie que revienne l'anticyclone des Açores. Afin de sécher ses vêtements tout mouillés, il laisse entrevoir la transparence appréciée du calme des seins se dessinant sur son corps, en brûlant mes yeux comme une boîte de Pandore. Diable est parfois là où on ne l'attend pas. Il a ses raisons que la raison ne sait pas. Voulant à tout prix venir en aide en bonne âme, je suis volontaire pour réchauffer cette dame. Je la convie donc à s'installer un moment, le temps que l'averse termine son rondement. Jolie, aimable, également fascinée, elle vient se chauffer au feu de ma cheminée. Par malheur, les gouttes se sont arrêtées. Elle me remercie d'avoir été invitée. Je la laisse alors m'abandonner sans ombrage. La belle est partie retrouver d'autres nuages.